Bon, on va commencer la période de questions et de réponses. M'entendez-vous en arrière? Non. Louis, tu m'entends-tu? Oui, bon, ben, si Louis m'entend, tout le monde m'entend. Y en a-tu qui ont trouvé la réponse pendant la pause? Qu'est-ce qu'on fait sur la planète? Des questions bien dangereuses, ça, que je vais faire demain. J'aimerais ça que tu nous rassures, que tu me dises si je trouve pas de réponse. Ah, que je vous rassure. Ah, ben, tu rassures mon ego parce que. Tu as du baume sur le cœur? Pour l'ego, c'est des questions qu'il ne faut pas se poser. Je parle du point de vue de l'ego. L'ego a de la misère à vivre dans un état d'inquiétude ou d'incertitude face à ce qui peut arriver après ou qu'est-ce que je fais là. C'est que philosophiquement, on peut se le poser, mais énergétiquement, c'est effectivement dangereux de se la poser. Si la question a une vibration, si la question a une envergure réelle, pas une envergure simplement de philosophie ou d'émotif, émotivité, effectivement, la question devient normalement un problème pour l'ego. Pour la simple raison que l'ego ne peut pas y répondre. Et chaque fois que l'être humain se pose ce genre de questions, astralement, égoïquement, psychologiquement, amiquement, théologiquement, psychologiquement, on le dit, mais de la psychologie scientifique, scientifiquement, il ne peut pas y répondre. Autrement dit, si tu fouilles dans toute l'historicité planétaire pour trouver la réponse de qu'est-ce que nous faisons sur la planète, tu n'auras jamais de réponse. Si tu regardes dans toutes les projections scientifiques, tu n'auras jamais de réponse. Si tu fouilles dans la structure même biologique ou dans la structure atomique, tu n'auras pas de réponse non plus. Il faut absolument que tu fouilles dans l'humain. Mais fouillant dans l'humain, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on fouille toujours à l'intérieur de soi à partir de moyens qu'on a appris. Des techniques. Qu'elles soient théologiques, qu'elles soient ésotériques, qu'elles soient sociologiques. Ce sont des techniques qu'on a apprises. Et on fouille toujours à l'intérieur de soi pour trouver pourquoi nous sommes là. Et on fouille à travers de soi uniquement en fonction de mémoire. Puis les réponses qu'on s'autorise à amener sont toujours des réponses archétypales, des vieilles Christie de réponses. Puis la problématique de l'ego, c'est qu'étant donné qu'il n'est que mémoire, donc qu'émotion, il cherche des réponses qui vont stimuler son émotion, donc le nourrir, c'est-à-dire des réponses qui vont galvaniser le peu de compréhension qu'il a de sa présence, des réponses qui vont entretenir l'idée qu'il doit continuer à vivre comme il vit, que c'est bon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un grand maître qui est arrivé, je dirais 6 pieds 8, qui est arrivé aux États-Unis, et puis... C'est un grand maître, c'est vrai. C'est un maître, oui. Je pensais que tous les maîtres mesuraient 3 pieds, 3 pouces. Non. Ça, c'est archétypalement. À la chaleur, le maître... Ça s'étire. Peut s'étirer. Et ce maître, il a dit à tous les gens que seuls ceux qui se droguaient pouvaient atteindre le ciel. Alors, il a eu les drogués. Un autre bonhomme est arrivé avec une méditation, la méditation transcendantale, puis lui, il l'adressait surtout aux personnes qui étaient en affaires, qui avaient de l'argent, qui étaient des étudiants universitaires, etc. Et il fallait, de base, être quelque chose comme ça pour venir à. Et par la suite, évidemment, ça s'est aplani. L'humain va accepter une vision cosmologique, une vision théologique, uniquement en fonction du fait que ça vient confirmer son menace, ce qu'il fait présentement. Alors, celui qui a des relations sexuelles 3 fois par jour, si tu lui amènes un dieu qui dit que c'est par le sexe qu'on peut parvenir, il l'achète immédiatement. Ça, pour une fois, ça c'est une explication qui a de l'allure. Bon, tu amènes quelqu'un d'autre qui est totalement inhibé, donc qui est barré, qui lui ne peut même pas regarder une femme, comme je connais, entendu quelqu'un parler à la conférence à un moment donné, qui disait aux hommes, pour solutionner le problème du mâle, quand vous voyez une femme, eh bien, essayez d'imaginer que tout le corps est bourré de verre, c'est en train de se manger, puis ne regardez que la tête, ça va vous donner l'envie. Bon. Effectivement, ça... Moi, j'aurais pris une canette d'insecticide, puis j'aurais essayé de sauver la fille. Bon, en tout cas. Quelqu'un qui est inhibé et qui entend un bonhomme parler comme ça va dire, ça a de l'allure. Et c'est pourquoi je dis que quand on pose la question, qui on est, qui suis-je, ou qu'est-ce qu'on fout ici, si on essaie de chercher en fonction de notre vision émotive, on ne peut pas trouver. On va trouver des réponses qui vont satisfaire un, déplaire à l'autre, satisfaire une autre, puis déplaire à une autre. Des réponses qui vont changer aussi avec notre vie émotive, qui vont changer avec les ans. Bon, alors on ne peut pas. Il y a des réponses à qui je suis, qu'est-ce que je fais, sauf qu'elles font partie de l'énergie, elles font partie de la vibration, elles peuvent même être amenées en mots à un moment donné, donc ça peut être suffisamment clair, même pour instruire l'ego. Mais ça ne peut pas provenir d'une recherche émotive. Normalement, ça provient de l'accident. Comment ça? Quand tu cesses de chercher, tu commences à avoir des réponses. Est-ce qu'on peut se dire aussi, pour se consoler, pour consoler l'ego, qu'on le saura quand ça sera le temps qu'on le sache? Oui, c'est sûr. Enfin, en plus, c'est que c'est vrai. Sauf qu'à un moment donné, l'ego en a marre. Puis l'ego, quand il en a marre, ben, il faut lui donner une réponse. Alors, on invente les religions, on invente les philosophies, on invente l'ésotérisme, on invente les extraterrestres, on invente les intraterrestres, on invente les... etc. De façon à donner quelque chose à l'ego. Et je peux donner des carottes aussi, je peux carottiser le chemin, sauf que je préfère m'adresser à l'intelligence qui habite l'humain. C'est évident qu'il faut quand même qu'on donne des carottes à l'ego de temps en temps. Mais on doit aussi, de temps en temps, s'arranger pour que l'intelligence descende un petit peu plus. Ça crée comme des souffrances. Ben oui, on a qu'une perceuse, on fait un trou pour que l'intelligence descende plus creux. Ben c'est sûr, ça fait quand même un petit peu de... Mais à un moment donné, ça se place, il n'y a pas de problème. L'être humain qui vit uniquement de l'émotivité recherche uniquement des réponses émotives. Alors, pourquoi... Je peux poser la question à ma femme. Pourquoi restes-tu que moi? Elle va chercher longtemps pour trouver une réponse. Mais pense qu'il y a comme satisfaire. Sauf que les questions, si tu poses la question à ta femme, c'est une réponse émotive que tu attends d'elle. Non, mais elle est facile. Puis elle aussi, c'est une réponse émotive. Mm. Pourquoi je travaille? Il faut qu'il y ait une réponse émotive. C'est juste des réponses émotives que l'on cherche parce que la majorité de notre structure est basée sur l'émotivité. En plus que ça nous détruit. Quel que soit l'âge, on peut bloquer le processus de vieillissement. Sauf, et il y a un problème, quel que soit l'âge, on peut bloquer le processus de vieillissement. Là, on va dire, non, ça ne s'est jamais vu. On n'a rien à foutre que ça soit jamais vu. On envoie des satellites dans l'espace, puis avant, ça ne s'était jamais vu non plus. Ça veut dire que mes cheveux blancs peuvent retourner au brun. Oh oui. Avec la peinture? Non. Le problème... C'est pourquoi ses cheveux blancs ne retourneront-ils pas au bras? Parce que c'est émotivement qu'il aimerait cesser le processus de vieillissement. C'est émotivement qu'il vieillit. Il faudrait que je trouve une raison intelligente pour arrêter de vieillir. Il faudrait que je trouve une raison intelligente pour pouvoir t'autoriser à être ce que tu es. Comment je vais faire ça? Je sais, c'est très, très, très simple, ce qui fait qu'habituellement, on ne comprend pas. C'est ça. Comment je vais faire ça? Oh, à un moment donné, je prendrai quelques heures de conférence, puis je pourrais compliquer un peu la chose. On répond à la question, après ça, si tu ne l'as pas oublié, on pourra... Je ne l'ai pas oublié. Ce qui est certain, c'est que l'humain peut savoir ce qui fait sa planète Terre. Moi, je le sais. Pour moi, je le sais pour certains autres aussi. Comme pour toi. Sauf que ça ne sert à rien d'en parler, du moins pour l'instant, pour la simple raison que l'humain va automatiquement encoller une valeur émotive au phénomène. Tu me fais penser à ma mère. Elle nous raconte un film qu'elle a vu, puis elle nous dit, ben là, je te conterai pas la fin parce que je l'ai pas vu, je me suis endormi. Mais moi, je me suis pas endormi, mais j'ai peur que tu t'endormes. Le temps que je vais... Okay, moi, t'as conterai pas pourquoi? Oh oui, à un moment donné, on pourra en parler, revenir, mais... En attendant, on va répondre à ces questions-là. Quel est le mécanisme biologique et ou psychologique d'un enfant ou adulte qui urine dans le lit pendant son sommeil? Premièrement, l'incontinence urinaire, c'est quelque chose qui fait partie de l'expression de l'ego, d'un manque de contrôle dans sa vie, et plus souvent qu'autrement, de l'expression de l'ego d'une recherche de sécurité. Il y a deux sphincters. Et l'humain est bâti comme ça. Il y a deux sphincters au niveau du canal urinaire. Il y en a un qui est involontaire. Celui-là, quand il y a trop de pression, il s'ouvre. souvent, l'urine arrive sur l'autre sphincter, et celui-là, le contact de l'urine sur le sphincter avertit le cerveau que tu as envie. Celui-là, normalement, c'est le contrôle de la volonté. Quand tu l'ouvres, tu urines, puis tant que tu le tiens fermé, tu n'urines pas. À un moment donné, quand ça fait un bout de temps, tu dis, tiens, ben là, j'ai plus envie. C'est que le deuxième sphincter, vu qu'il s'est ouvert, tu as eu l'impression d'avoir la vessie pleine. Après un laps de temps, il se referme. Se refermant, tu ne sens plus le contact de l'urine sur l'autre sphincter, donc tu ne sais plus que tu as envie d'uriner. Et normalement, quand une personne va, par exemple, pour uriner, ça lui prend du temps, c'est qu'elle va décontracter le premier sphincter, mais en le décontractant, inconsciemment, elle contracte l'autre. Là, elle doit se relaxer, penser à d'autres choses, en tout cas, il n'y a pas qu'à la fin de se passer, pour arriver à décontracter le premier sphincter. Faire couler l'eau du lavabo. C'est ça. Ou encore, elle peut uriner, ça lui donne le goût d'uriner, tu sais, bon. C'est plus facile, en tout cas. Quand un individu dort, ce qui arrive, c'est que la majorité de ce qu'elle considère le principe de volonté part par le canal réincarnationnel dans le monde de la mort, ce qu'on appelle un voyage astral, ou ce qu'on appelle simplement un sommeil, un rêve. Ça part. L'individu vit différentes phases dans son sommeil, et lorsque l'ego, l'âme, revient dans le corps physique, c'est là que l'individu vit le processus biologique du rêve. Donc, une personne qui étudie quelqu'un qui dort va dire, ah, là, le mouvement, c'est stylaire, il y a pas quelque chose qui se passe, là, elle est en train de rêver. En réalité, elle n'est pas en train de rêver, elle est en train de revenir, puis revenant, ben, elle ramène des bribes du rêve. Mais elle a rêvé toute la nuit dans le monde de la mort, dans le ciel, dans le monde des rêves. Ce qui arrive, c'est que la personne, elle, lorsqu'elle décolle, si elle revit continuellement des processus d'insécurité dans le monde de la mort, ses rêves sont des rêves infantiles, l'enfant n'a pas le contrôle volontaire du deuxième sphincter, l'enfant, je parle du bébé, alors automatiquement, quand l'urine arrive, ça se vide. Il y a un processus qui va se faire, c'est que le sphincter psychologique, le sphincter, disons, qui est... non soumis à la volonté du mental, le premier sphincter, peut rester fermé un laps de temps, puis lorsqu'il s'ouvre, le deuxième sphincter étant de toute façon ouvert, dans le genre, j'ai encore des couches, je suis dans un monde parfait, puis maman va venir m'aider, ou papa, ça fait que l'enfant aura des incontinences. Normalement, parce qu'il y a un problème de communication entre l'ego et le mental de l'enfant, on aura ce genre de phénomène. Il peut y avoir le même problème entre le mental et l'ego, donc l'astral et le mental de l'adulte. Et parce qu'il y a ce manque de communication, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'aura pas créé chez l'enfant un vecteur d'éducation suffisamment puissant au niveau de sa conscience pour que la conscience finisse par faire suffisamment, obliger l'ego, la psychologie à avoir suffisamment conscience en elle, que l'ego a l'impression d'être dans un monde où il n'est rien, totalement rien. Alors, dans le sommeil, la personne peut retrouver des mémoires qui étaient là lorsqu'elle est venue au monde, lorsqu'elle a été enfant, et nécessairement, le sphincter volontaire est totalement désassujetti de la volonté, parce que l'enfant, dans le sommeil, ne vit pas dans un sommeil, l'enfant ne vit pas le rêve d'un enfant de son âge. Et puis, le rêve d'un enfant plus jeune ou plus vieux? D'un enfant beaucoup plus jeune, qui, lui, ne contrôle pas volontairement le deuxième sphincter, ce qui va amener des incontinences urinaires. Une fois l'enfant réveillé, on peut lui dire, « Ben oui, mais tu vois pas que c'est stupide, c'est ça. » Et quand vous vous réveillez, vous, la vessie pleine, une maudite chance qui marche, le sphincter. Mais comment tu fais pour régler ça? Du coup. Il n'y a pas un autre moyen moins douloureux pour... expliquer à l'enfant, donner confiance à l'ego, c'est ça qu'il faut faire? Premièrement, il faut vraiment pas dramatiser le phénomène du lit mouillé. Deuxièmement, il faut s'arranger pour... ça dépend évidemment de l'enfant. Il faut s'arranger pour pouvoir avoir une liaison avec l'enfant qui va faire en sorte qu'au minimum que l'enfant va transposer notre mental pour le sien. Donc, il doit y avoir une relation affective, pas émotive, affective. Donc, sentimentique, l'enfant va en faire de l'émotion, mais la relation affective entre le parent et l'enfant est donc à développer. Même chose, par exemple, pour un adulte qui urinerait, c'est qu'il essaie de forcer quelqu'un à devenir son parent. Et lorsque c'est suffisamment établi, progressivement, l'enfant va continuer à avoir possiblement des incontinences urinaires. Lorsque c'est suffisamment établi, on doit s'arranger par la suite pour graduellement être capable de faire en sorte que la projection en transposition de l'enfant chez nous, de son mental, puisse lentement recheminer vers lui. Ça veut dire que l'enfant devra vivre avec lui de plus en plus, lui donner des responsabilités, s'arranger pour qu'il ait de plus en plus une forme de confiance en lui, et ça va progressivement finir par le détacher de l'obligation d'aller rêver dans le monde de la mort dans la corporification d'un enfant, d'un bébé. Est-ce que dans les séminaristes présents de cette salle, salle font partie du faisceau de Lazare? Ça regarde personne. Si oui, combien? 4. Le faisceau de Lazare va-t-il se résorber avant l'an 2000? Plus l'être humain évolue, plus il s'assujettit différents faisceaux. Donc, l'être humain qui, progressivement, va atteindre l'an 2000, va se réincarner après l'an 2000. C'est des êtres humains qui vont être liés à plusieurs faisceaux. Ils vont commencer à fusionner les faisceaux, à même les corps physiques, à même les corps de conscience. Puis ces faisceaux vont se fusionner par la suite, mais dans l'être humain est un processus salvateur. Un processus, oui, de la création. L'humain n'est pas ce que l'humain pense qu'il est. L'humain est drôlement plus important, sauf que l'humain a une vision corporelle de sa présence dans l'univers. Il prend son corps physique, puis il le compare au soleil, puis il se dit « maudit, je suis absolument rien ». Ce qu'il ne sait pas, c'est que les soleils deviennent même des supernovas uniquement pour créer des particules qui vont constituer les planètes, qui vont constituer les humains. C'est là pour nous autres. Sauf que l'humain regarde son corps physique, et tellement acheté son corps physique, puis il se dit « finalement, je suis absolument rien ». L'humain n'a pas du tout de raisonnement énergétique, de visualisation énergétique de sa présence. Il n'en a qu'une visualisation mémorielle, donc émotive, puis avec un manque de compréhension. L'être humain va cumuler différents faisceaux chez lui. De ce fait, lorsque le faisceau lazarien va se résorber, les êtres humains reliés au faisceau lazarien ne partiront pas nécessairement non plus. C'est le faisceau lazarien qui va se résorber. La vision de l'obligation de la dualité mentalo-émotive dans l'évolution planétaire, c'est ce qui va décoller. Autrement dit, l'être humain va cesser de voir le bien et le mal à l'instant où le faisceau lazarien va décoller. Est-ce que quand le faisceau lazarien va être résorbé, l'émotion va disparaître de la planète? L'émotion, non, mais la vision dualitaire des choses, oui. Le bien et le mal, le beau, le laid, tout ça. Cette vision-là, pas le bien et le mal, la vision du bien et du mal va disparaître. Le dictionnaire va mincer beaucoup? Non, il va épaissir. Comment ça? Parce que c'est... En tout cas... Oui, puis c'est... Si on enlève tous les qualificatifs qui s'annulent... Je n'en dis pas plus. OK. Quels sont les pouvoirs de l'émotion? L'émotion a le pouvoir d'omnibuler n'importe quelle forme de conscience tant que le corps physique n'est pas suffisamment subtil pour être capable de recevoir suffisamment d'intelligence. L'émotion est capable de forcer un homme, par exemple un mâle, à faire des choses absolument phénoménales, que ce soit de coucher, que ce soit de réparer un toit de maison, que ce soit de faire n'importe quoi. L'émotion est capable de faire en sorte que sans l'intelligence, l'humain va être capable de faire des choses intelligentes, dépolluer. Quand on commence à souffrir de voir les animaux souffrir, on commence à les guérir, on commence à moins les exterminer, c'est de l'émotion. Quand on souffre de voir des êtres humains malmenés, on commence à engendrer des sociétés qui vont essayer de les préserver, que ce soit Amnesty International, que ce soit d'autres choses du genre. Alors, le pouvoir de l'émotion est capable de suppléer au manque d'intelligence, sauf que ça se fait uniquement par la voie de la souffrance. L'être humain qui est capable de contrôler son émotivité, donc l'être humain qui est capable de se dissocier totalement dans sa vision de l'émotivité, donc de la psychologie, de ce qu'il est lui dans sa limpidité, dans sa clarté, il sera capable de manipuler n'importe qui par l'émotivité. Sauf que plus il va devenir intelligent, moins il va vouloir communiquer par l'émotivité, il voudra communiquer surtout par la voie du sentiment. La semaine prochaine, on revient de toute façon, puis la semaine d'après aussi, sur le phénomène du sentiment, sur l'amour intelligent, sur quelque chose qui n'est pas beau, qui est au-delà de la beauté. Quelque chose qui va toucher plusieurs cordes de vibration chez les personnes qui sont ici ce soir, même s'ils n'ont pas été capables de mettre nécessairement de mots là-dessus. Les personnes vont être capables télépathiquement, finalement, de s'entendre sur des choses, puis au niveau des mots, ce sera un peu croche. Alors, la puissance du sentiment est au-delà du pouvoir de l'émotion. Puis le pouvoir est toujours quelque chose d'émotivisé. Un être humain puissant n'a pas de pouvoir, il a de la puissance. Lorsque sa puissance n'est pas contrôlée par son intelligence, ça devient du pouvoir. Alors quelqu'un qui, par exemple, a de gros muscles, s'il est intelligent, il s'en servira pour aider. Et on sentira, quand il rentre dans une pièce, qu'il est puissant. Alors que l'animal, l'humain, qui rentre avec ses gros muscles, s'il n'a pas suffisamment d'intelligence pour le contrôler, il ne vit que de l'émotion, quand ça gueule à quelqu'un, ça lui fait vivre un paquet d'affaires. Quand il rentre dans une pièce, on voit que lui, il a du pouvoir. Et on peut avoir peur de son pouvoir. Quand les personnes parlent de politique, tu sais, bon, j'ai maintenant le pouvoir. C'est ça, t'as le pouvoir d'écraser tout le monde. L'intelligence ne dirige pas, ce n'est pas une question de puissance. Alors, le pouvoir de l'aide du sentiment, c'est de la puissance. C'est régi par de l'intelligence, puis c'est phénoménalement plus grand que le phénomène de l'émotivité. Mais c'est surtout la semaine prochaine, la semaine d'après, qu'on va revenir là-dessus. Le fait de faire des thèmes comme ça au mois, ça me permet de faire des grandes conférences. Alors, c'est évident, comme là, on commence un nouveau thème. Pour les personnes, de temps en temps, c'est brut un peu. C'est même des fois un peu sec, un peu direct, sinon violent, perturbateur. Oui, bien, c'est comme là, on a trois conférences, ça nous donne 6 heures de conférences sur le phénomène. Alors, plutôt que de jouer un peu là, puis d'essayer de ramener ça là, puis de recommencer à répéter un peu la fois d'après, puis bon, donc, les deux prochaines semaines, on va parler de la contrepartie exprimée de ce que l'humain appelle l'amour. On a une partie qui est émotive, qui est pénible, qui est dangereuse. La partie sentimentique, elle nourrit le corps, elle rajeunit le corps, elle énergifie le corps, elle permet à l'humain de développer sa conscience, elle lui amène de l'intelligence. Ça ne nous s'use pas, on n'a pas besoin de l'entretenir. Ce n'est pas le jouet du temps, ce n'est pas mémorisable, ce n'est pas photographiable. Ça ne fait pas souffrir, ça ne libère pas parce que jamais ça n'a entravé. Et ça ne peut être vécu que par l'humain libre, donc ça n'a pas besoin de libérer, etc., etc., etc. Ce n'est pas ce que l'humain vit dans l'émotion. L'émotion, c'est totalement l'inverse. Je t'aime et je souffre quand tu n'es pas là, tu devrais faire ci, tu devrais me trouver, même si encore, etc., etc. Donc, c'est plus les prochaines semaines, on va s'amuser sur le phénomène du sentiment. Les pouvoirs de l'émotion, c'est extrêmement puissant, mais uniquement dans le processus d'évolution de l'animal humain, pas dans le processus réel de l'être humain. À la suite de l'écoute de ta cassette « Comment survivre à sa mort », je désire souligner, maintenant me constitue un double éthérique. Cette expression de mon ego peut-elle constituer un frein pour atteindre ce but? Faudrait-il que j'aie une raison intelligente pour l'atteindre, ou dois-je oublier ça et m'appliquer à m'anégoïser? Le fait que l'individu pose la question comme la question est posée prouve que, de toute façon, l'individu est suffisamment intelligent ou intelligente pour pouvoir confirmer à son ego qu'elle a entrepris déjà un processus de négociation. La personne a suffisamment de mental pour être capable de créer une contrepartie dans sa conscience à son ego, pour pouvoir dire, ben, effectivement, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, mais moi, ça ne m'intéresse pas, est-ce que je dois faire ceci? Donc, la personne ici, la réponse, c'est qu'il n'y a aucun problème dans son cheminement, elle est en train de toute façon de créer un domotérique. Sauf que ça dit, bon, ben, tu vois, je suis content. Bon, ben là, évidemment, elle vient d'arrêter 30 secondes, parce que la question qu'elle a posée prouve que la personne, si elle est-tu contente 30 secondes, elle va s'en rendre compte immédiatement. Donc, elle arrête un peu, ça rend compte, elle continue. Bon, il va y avoir un jeu de mental à un moment donné, je continue, ça va bien, ah, j'ai arrêté. Ah, parce qu'elle disait ça, j'ai essayé de continuer, ah, j'ai arrêté. Ah, elle disait ça, j'ai de continuer, ah, j'ai arrêté. Puis, à un moment donné, ben, elle va avoir suffisamment d'intelligence chez elle pour avoir la paix. Mais il n'y a pas de problème, cette personne-là ici, là, devrait dire à son ego, là, pas de coucher, mon petit. On est sur le bon chemin. Ne croyez-vous pas qu'il soit dangereux qu'un couple qui n'a plus rien à faire ensemble énergétiquement se sépare si l'émotion, l'extase sexuelle et les mémoires ne les conservent plus ensemble, ni les enfants? Mais non, c'est dangereux qu'ils restent ensemble. C'est pas dangereux qu'ils se séparent. Premièrement, je ne crois pas. Et deuxièmement, bon, un couple qui n'a plus rien à faire ensemble énergétiquement, pourrait se séparer si l'émotion ou l'extase sexuelle ou les mémoires ne les conservent pas ensemble. Ce que vous devez savoir, c'est que je suis pour tous les couples qui ont des enfants, je suis pour que ces couples-là restent suffisamment ensemble le temps que les enfants n'aient plus besoin du couple. Pas des parents, du couple. Les enfants peuvent avoir besoin du père et de la mère, mais pas des deux ensemble. Ils n'ont plus besoin du couple. Ouais, là, on peut se séparer. Sauf qu'il y a une problématique, c'est qu'il vient à un moment donné quand l'humain n'a plus de correspondance énergétique, il a une correspondance qui est mémorielle, nostalgique ou sexuelle. Ce qui arrive à un moment donné, c'est que le couple ne s'entend tellement plus qu'il se démolit l'un l'autre et qu'en même temps, ils amènent les enfants dans le trou. Donc, ce n'est pas dangereux qu'ils se séparent. Ça, c'est ça même tant mieux qu'ils se séparent. Et lorsque l'on dit que c'est extrêmement dommageable pour les enfants que les couples se séparent, c'est uniquement parce qu'on continue à leur dire « Vous êtes normaux uniquement si vos parents sont normaux. » Mais plus il y a de couples séparés, moins il y a de problèmes chez les enfants. Il y aura des problèmes uniquement si la mère fait tout pour monter l'enfant contre le père, puis le père fait tout pour monter l'enfant contre la mère, etc. Mais c'est pas à cause de séparation, c'est à cause de l'émotivité chez les humains. Tu ne peux pas détester si tu n'as pas aimé, puis ta haine va être aussi forte que l'amour que tu avais pour l'individu. Quand on parle de crime passionnel, c'est en plein ça, l'amour. L'amour émotif, je te parle. Pas de l'amour énergétique, évidemment. L'amour sentimentique. Donc, ne croyez-vous pas qu'il soit dangereux qu'un couple qui n'a plus rien à faire ensemble énergétiquement se sépare si l'émotion, c'est pas dangereux qu'il se sépare, c'est même souvent mieux, si l'émotion, l'extase sexuelle et les mémoires ne les conservent pas ensemble, ni les enfants. Sauf que vous allez vous rendre compte qu'habituellement, lorsqu'on est capable de... On a le choix. Ou bien on essaie d'entretenir la relation de l'animal humain pour faire en sorte qu'on reste ensemble. Ou bien, à un moment donné, on essaie de travailler pour découvrir quelque chose de supérieur. On va revenir les deux prochaines semaines. Mais de toute façon, si le moindrement un peu d'intelligence commence à vous habiter, vous ne pourrez pas vous contenter que d'une relation mémorielle ou sexuelle. Donc, nécessairement, il y en aura un qui va commencer à monter plus vite que l'autre. Et nécessairement, il va être la cause de la crise dans le couple. Puis nécessairement, ça va se taper dedans à coups de hache, psychologique ou physique. Et à un moment donné, ça devient préférable qu'il y ait une séparation. Mais est-ce que les deux ne peuvent pas évoluer au même rythme? Ils peuvent. Je connais des couples qui évoluent ensemble. C'est rare, mais il y en a. C'était impossible avant. Bon, mais c'est de plus en plus néotypé. Je parle d'évolution de conscience. Je ne parle pas d'évolution spirituelle, évidemment. Il y en a de plus en plus. Puis il y en a qui osent même évoluer avec leurs enfants. C'est fondé. Ah, je comprends, non, c'est fondé. Ils parviennent à évoluer et à être heureux ensemble. C'est quand même, hein? On ne donnera pas leur nom. Surtout pas. Est-ce qu'une grande joie peut faire partie de la négolisation? Évidemment. Une joie, ça peut être extrêmement sentimentique. Perception de vibration. Communion avec un événement, avec un phénomène, avec une onde de forme, avec un paysage. Une grande joie, ça fait partie de la négolisation sans problème. Comme tout à l'heure, quelqu'un me dit, j'ai souvent le goût de pleurer. Ben oui, et pourquoi tu pleures pas? Parce que quand on pleure, c'est quand on est malheureux. Néotypez un peu, quand on pleure, c'est simplement parce qu'on purge de l'antihomme. C'est pas parce qu'on est malheureux. On peut trouver quelque chose de fantastiquement vibrant et partir à pleurer parce que la vibration est telle qu'on commence à avoir des larmes aux yeux. Mais c'est comme ça. Plutôt que de dire, maudit que c'est beau, t'as-tu l'appareil photo? Ben, t'as des larmes qui coulent à la place. C'est mieux, parce qu'énergétiquement, ça l'aide, ça t'énergie. Et là, quand tu reviens de voyage, tu peux pas montrer ça à tes chums, là, les ben oui, tu te places devant eux autres, puis tu te fais pleurer. Là. Imagine-lui ce que j'ai vu. Ça fait des soirées, au lieu de regarder des diapositives, là, pas un mot, on télépathise, puis on pleure. Ça, c'est fun. N'empêche que ça serait drôlement plus parfait. Il rentre quelqu'un dans le salon chez vous, il se demande qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est des archétypes, ça. Il rentre quelqu'un dans le salon chez vous, il se demande qu'est-ce qui se passe. Ah ouais. Ceux qui ont des salons. Déconnecte-toi des autres, là. Il faudrait que je me tienne avec d'autres personnes. Parce que moi, si je rentre chez vous, vous êtes en train de pleurer, moi, ça me fait rire. Et c'est la même communication. C'est la même chose. Le pleur ou le rire, c'est une communication semblable. Au niveau du sentiment, c'est identique. Pas au niveau de l'animal humain. Il y en a qui rient uniquement pour se protéger, pour se défendre. Chaque fois qu'il faut être sérieux et partager, bon, c'est une chose. Il y en a qui pleurent uniquement par émotivité. Mais il y en a plusieurs qui vont pleurer uniquement par sentiment, comme d'autres vont rire par sentiment. Pas un rire niaiseux dans le sens nerveux. Non, quand l'humain, on va revenir de toute façon les deux prochaines semaines, mais l'humain qui surpasse le phénomène uniquement de l'émotion dans l'expression de sa vie, il est continuellement en train de s'amuser. Quand je suis en conférence, je suis un peu bête. Mais quand je suis dans la vie avec des individus qui méritent ce genre de communication énergétique, je ne suis pas bête. Je suis humain. Et ça, on ne connaît pas ça. Effectivement, quelqu'un dit, bon, dans un séminaire, justement, un séminaire, je m'amuse comme une petite folle. C'est pire, comme un petit fou. Moi, je trouve pas que t'es bien. Mais non, c'est évident, c'est évident. On fait des farces télépathiques, puis... Bien sûr. Ah, il y en a qui les pire de temps en temps. Ici, il y en a qui se mêlent de nos affaires, mais... Ce que vous voulez. Je croyais que j'étais évolué. C'est pas moi qui dis ça, là. C'est écrit. Il y a un pour ça évolué, là. C'est que c'est une femme. Dans le métro, en venant, il arrêtait 5 minutes à toutes les stations. Je recommence, parce que j'en ai manqué un bout. Je croyais que j'étais évolué, Aladdin. Dans le métro, en venant, il arrêtait 5 minutes à toutes les stations. Tout le monde a commencé à bouger, à sécréter, moi la première. Comment se fait-il qu'en 2 minutes, je me fasse ramasser aussi facilement encore? Premièrement, vous êtes effectivement évolué pour la simple raison que vous êtes capable de concevoir une question, de poser la question, d'observer. C'est bien. Mais faites encore une petite chose. C'est que vous êtes évolué. La preuve, vous le savez. Vous êtes manipulé. La preuve, vous le faites. C'est facile. La personne ici, là... Bon... Comment se fait-il qu'en 2 minutes, je me fasse ramasser si facilement? Vous ne vous êtes pas fait ramasser facilement. L'ego est mémoriel, l'ego est collectif. L'ego est orgueilleux. Pas vous, mais vous habitez le même corps. Et là, ça, ça sort du corps physique, ça y va, ça pompe là-dedans, ça sécrète. Puis là, mentalement, ben, à un moment donné, vous observez que, voyons donc, ça y est, j'ai encore perdu le contrôle. Pas le contrôle de vos émotions, pas le contrôle de l'ego, le contrôle du corps physique, une nuance. C'est pour ça que Menfi, les arts martiaux, l'ETM, Technique Kenvi, ce qui fait en sorte que le mental prend le contrôle du corps physique, c'est évolutif. Pas prendre le contrôle des émotions. Et la personne ici, elle évolue effectivement, puis en plus, elle s'anégoïse en même temps. Pourquoi? Parce qu'elle arrive même à considérer que c'est pas convenable. Mais bon, je croyais que j'étais évolué. Bon, donc, elle considère déjà là que, tu sais, je pensais que j'étais là, mais je me rends compte que minute, ben, elle n'est pas là. Effectivement, elle est peut-être là, un peu plus haut. L'ego reste l'ego. L'ego reste l'ego. Oui, c'est impeccable. On ne contrôlera pas le corps physique comme ça immédiatement. Ça va venir. Sauf qu'on doit commencer par faire la séparation totale entre ceux-là. Vous êtes fait manipuler, pas parce que vous êtes faible. Parce que l'intelligence est en train d'établir des liaisons, des contacts avec le corps physique. Contrôle le produit du premier coup. Attendant, il y a un virus, une concierge astrale, qui entretient le corps physique au mieux de sa possibilité, au mieux de sa connaissance. C'est lui qui le bâtit, qui le fait sécréter, qui le fait émotiviser les choses, qui le fait chialer, qui le fait, etc. Puis on ne peut pas maudire l'ego. Mais on doit s'arranger pour le transformer en dobétérique. On doit lui donner le poste qui lui convient, c'est-à-dire le transformer en âme pure. Il ne meurt pas là-dedans. Mais il ne se reconnaîtra pas non plus. Et il est tout crotté. Il va sortir de là tout propre, puis il ne se reconnaîtra pas du tout. Alors la personne, il n'y a aucun problème, c'est extrêmement évolué, mais c'est justement ça l'évolution. Vous sortez d'ici, vous allez n'importe où, vous vous faites ramasser, observer. Ouais, mais quand j'observe, ça ôte pas tout. Ça vous conscientise, ça vous énergifie, ça vous monte en vibration. C'est toujours la même chose. Vous voyez le verre qui est ici? C'est vous, celui-là. Chaque fois que je mets de l'eau dans le verre qui est ici, vous dites, ah oui, mais gars, ça n'a rien changé. Ça ne déborde pas. L'intelligence ne donne pas. On en rajoute un autre événement. Ça n'a rien changé. Ça change tout. On est en train d'en mettre de l'énergie. Oui, mais ça n'a rien changé. Ça change tout. À un moment donné, mettre ses familles à l'exercice. À un moment donné, il y aura suffisamment d'énergie que là, vous allez aboutir. Mais le problème qu'il y a, c'est que chaque fois, on dit oui, mais. Si on vient de conférence, on sort après, oui, mais. C'est ça. Il y a quand même beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'ego qui tourne après les conférences, ça dure une semaine ou deux. Bon. Mais la vie aussi va vous en amener. Puis progressivement, vous allez vous en amener. Par vos questions, par vos réponses, ou par la capacité de supporter le fait que vous n'avez pas de réponse. J'ai pas de réponse à la question. Tant pis, continuez à manger pareil. Continuez à vivre. Et là, vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez. Sauf que dans le visuel de l'ego, ça ne paraît pas. Comme ça fait 2 ans, là. J'ai pas changé bébé, moi, là. T'es plus frustré qu'avant, t'as changé en maudit. T'es plus tu perçois, tu subtilises des choses. T'es capable de voir la subtilité à travers les conneries. C'est de l'évolution. Ouais, mais c'est pas plaisant. Qui parle de plaisant? Présentement, vous êtes en train de monter. Vous allez voir, c'est drôlement plus que plaisant quand le verre va être plein. Mais c'est pour ça qu'on a l'impression que ça change pas. Ça change de quoi à chaque fois? Ça met de l'énergie. L'idée, c'est que ça va paraître réellement quand vous êtes rendu à un niveau particulier. Pas quand on en met dedans, ça ne paraît pas. Quand les glaces fondent, les icebergs, là, ça fait augmenter le niveau d'océan par rapport. Et si toutes les deux pôles se mettent à fond, vous allez voir l'appareil. Parce que... Vas-y. Je savais que tu ferais ça. Tu m'as manipulé. Hier, j'avais une entrevue pour un emploi très lucratif. Hier, je suis allé à une entrevue. Je savais que j'avais la job, même si je m'étais mise en jean pour y aller. Je ne savais pas si je voulais travailler. On m'appelle dans la soirée pour me confirmer qu'on m'avait choisi. Je décide de refuser. Décide en guillemets. Toutes les portes s'ouvrent. Veut-on me donner l'illusion du libre-arbitre et que c'est moi qui choisis alors que je n'avais pas le choix de dire non vu que je préfère le temps à l'argent et donc je reste sur la corde raide? Bon. Veut-on me donner l'illusion du libre-arbitre? Non, parce que ça ne marcherait pas pour vous. On n'arriverait pas à vous donner l'illusion du libre-arbitre. Donc, en partant, c'est pas ce qu'on veut faire. Pour si on veut le faire, ça ne fonctionnera pas. La personne ne veut pas ce genre de travail, probablement parce qu'elle peut se faire manipuler aussi. Elle peut ne pas se faire manipuler. Elle peut avoir raison. Une chose est certaine, c'est qu'elle expérimente certaines choses. C'est que la personne rendue à un certain niveau de sa conscientisation voit les événements commencer à bouger pour eux-mêmes, sans qu'ils contrôlent rien. Elle a refusé. Et c'est pas nécessairement mauvais, pour la simple raison que de temps en temps, ce que l'astral va faire, c'est que, voilà, vous êtes rendu à un certain niveau, puis on vous offre le paradis. Là, vous regardez le paradis, puis vous vous rendez compte que le paradis contient l'enfer. Alors, c'est fait, c'est vrai, c'est merveilleux. Si je n'aurais pas changé, c'est ce que j'aurais voulu. Ce n'est pas ce que nécessairement je veux maintenant. Alors, l'ego, l'astral planétaire, plutôt, essaie de te récupérer quelque part. Ça se peut. L'important, c'est que la personne pourrait même s'essayer au niveau de l'emploi avec des conditions. Le lâche quand ça va pas. Mais il ne faut pas qu'elle signe un contrat de 2 ans dès le départ, quitte à se poursuivre après pour l'abandonner. Donc, ce n'est pas une question de faire à croire que là, les barbites, la personne ne tombera pas dans ce piège. Mais il arrive effectivement différents phénomènes du même genre, vérification. Puis quand je parle de vérification, c'est complexe. Pourquoi? Parce que l'humain a tendance à personnifier l'idée de vérification. Alors, si je dis, par exemple, la vie vérifiait votre état d'évolution. Oui, c'est qui vérifiait, là? C'est qui nous faisait passer un examen, là? Moi, mon esprit, Dieu, un être particulier, un être contrôle, qui, quoi? Bon. Non, mais c'était effectivement un test. Vous finalisiez certaines choses. Et souvent dans la vie, c'est ce qui arrive. Mais quand on fait des vérifications, là, j'en ai fait une cette semaine, j'avais une décision à prendre, puis j'attendais quelqu'un. Mais ici, la personne n'a pas fait des vérifications. On l'a vérifié. Mais tu disais tantôt qu'on pouvait faire des vérifications. Oui, tantôt, là, oui. Une semaine ou deux. Le temps, c'est pas important. Puis je me suis dit, j'attendais quelqu'un, je ne savais absolument pas quand il arriverait, de 15 à 20 minutes près. J'ai dit, s'il n'est pas là, dans 30 secondes, je fais telle chose. 30 secondes, là. J'ai compté jusqu'à 31, puis il est arrivé. Tu sais, 30, là, quand j'ai fini de dire 30, il est arrivé. Là, je ne savais pas si c'était si avant 30, si c'était après 30. Ah, j'ai dit le mot 30, puis là, oups, il a pareil. Ça. Je sais que... Oh, mais c'est comme ça. À un moment donné, moi, je décide, bon, est-ce que je continue à faire des conférences ou non? Mais s'il y a tant de personnes à la conférence ce soir, je continue. S'il y en a une de moins, j'arrête. Ah, je me rappelle celle-là. Oui, c'est ça. Alors, il y a deux personnes qui sont venues de plus que le chiffre. Non, les deux personnes qui sont venues, ça en faisait une de plus que le chiffre. Alors, la conférence a été frustrée, puis ils sont partis tous les deux. Donc, on a un moins que le chiffre. Sauf que là, est-ce que j'avais un plus ou un moins? Parce que j'avais pas déterminé. Est-ce que c'est à l'entrée, ou c'est de l'assistance, ou est-ce que... Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Dans ce temps-là, c'est dans le genre... Ben là, on fait un cours de conférence. C'est dans le genre, quoi que tu fasses, pour l'instant, c'est pas ça. Ça n'a pas de réponse. C'est que fais des tests tant que tu voudras, tu ne seras pas. Dans certains genres de tests. C'est dans le genre, ben, tu es sur une forme de corde, puis tout ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'à quel point tu peux l'endurer sans souffrance. Pourquoi? Parce que ce qui va t'arriver après, bien, est d'une valeur telle que si tu n'étais pas capable de résister à ces petites conneries-là, l'autre, tu risques de péter au feu. Alors, c'est pour ça que tu fais des sortes de vérifications comme ça. Parce que le reste n'est pas pire. Parce qu'un être humain, par exemple, qui très pauvre, regardez ceci. Vous êtes extrêmement pauvre, vous parvenez à économiser les scènes noires, vous trouvez 5 scènes par terre, vous le ramassez, même s'il y a des gens qui vous regardent. Vous tendez même la main dans la cahier, il y a plein de monde qui vous regarde, ils vont plus me comprendre que vous êtes pauvre. Vous ne gaspillez plus votre argent, vous économisez. À un moment donné, vous gagnez 500$ à la loterie. Et là, vous vous dites, ah ben, là, l'abondance, l'abondance. Puis subitement, là, oh, minute, l'abondance, là, minute. Là, j'ai 500$, j'ai jamais été aussi riche depuis ces 15 dernières années. J'ai jamais eu d'argent en banque, là, j'ai 500 en banque. Je vais m'arranger pour faire attention. Mais c'est ça. Si on te donne 1 000 000, probablement que tu vas continuer à faire attention à la même chose. Et pour te vérifier, il fallait qu'on te mette pauvre. Alors, c'est ça que je veux faire comprendre. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, ça va mal, que ce sont des vérifications parce que plus tard, on va devoir endurer pire. Alors, mais énergétiquement, 1 000 000 ou 1 000 000 dans le trou, 1 000 000 en avant, c'est similaire. L'animal humain vire tout croche dans un sens comme dans l'autre. Énergétiquement. Sauf que ça coûte moins cher de t'en enlever que de t'en donner pour que tu le perdes. Oui, parce que ça serait plus agréable de faire des folies en l'ayant quand même. Tu comprends bien. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il y a souvent des vérifications comme ça qui sont juste dans le sens, ben c'est ça. La personne qui décide qu'elle veut avoir du temps, qu'elle a besoin d'argent, son niveau de sécurité va jusque où? On lui offre peut-être un très très bel emploi qui va drainer tout son temps. Merde, non. Peut-être c'est pour ça qu'elle a fait. Peut-être que ça fait avoir aussi. Mais je donne un exemple. Merde, non. Mais à un moment donné, il faudra qu'on lui amène un emploi qui va lui donner un peu de temps en lui donnant un peu d'argent. Okay? Bon, ben c'est ça. Puis la personne aurait pu tomber. Je connais une personne qui a commencé à écrire. Monnayer son intelligence. Et là, elle a écrit un livre. Ben, elle a écrit comme ça maintenant. Hein? Quand on monnaie l'intelligence, on n'écrit jamais comme ça. On écrit sur un ordinateur qui corrige nos fautes. Et puis, quand elle n'avait pas fini son livre encore, elle se disait, ah oui, moi, c'est exactement ce que je veux faire. Ça va avoir du temps et de l'argent. Ah oui, au bout du moment qu'il est fini, là, je te repars un autre livre. C'est ça. Puis après ça, j'ai dit, si tu repars un autre livre, tu n'auras plus de temps. Donc, ça ne vaut même pas la peine que tu deviennes écrivain. Pour avoir du temps et de l'argent. Tu fais un livre, après ça, tu arrêtes, tu as bout de temps. C'est, il va falloir te rapporter quelque part, mais tu ne te lances pas. Ah, ben, effectivement. Mais c'est ça. Il y a des tests comme ça, des petites conneries comme ça, là. Qui souvent viennent vérifier si c'est toi qui es là ou ben non, c'est encore l'ego. Est-ce que le mental, si petit soit-il, développé à l'occasion attiré... Attends, tu peux recommencer. Est-ce que le mental, si petit soit-il, développé à l'occasion attiré un ajusteur de pensée, à l'occasion encore, ou c'est moi qui l'imagine, non, c'est écrit comme ça. Et le mental peut-il nourrir ou disparaître chez un individu? Tous les êtres humains ont un ajusteur de pensée. Tous les êtres humains n'ont pas un ajusteur de pensée opérationnel. Ça ressemble à quoi, un ajusteur de pensée? C'est long, sinueux, ça brille un peu en bas, puis ça a des poils en haut. Chez Walco, vous avez l'heure, c'était plus simple à trouver. Miracle moche! Le marché du miracle. Est-ce que l'élémental, si petit soit-il, développé, donc un petit mental, peut attirer à l'occasion d'un chat de pensée? Puis est-ce que le mental peut s'en nourrir, grossir, puis disparaître à un moment donné chez l'individu? Il arrive que le mental devienne endormi, mais de le disparaître, non. L'ajusteur de pensée, tous les êtres humains en ont un, sauf que de temps en temps, le mental arrive à le déconnecter des sphères réincarnationnelles, donc le mental arrive à le déconnecter de la lecture mémorielle, ce qui fait que le mental n'est plus aussi assujetti qu'il l'était avant à nourrir uniquement l'ego. C'est-à-dire qu'on a un ajusteur psychologique qui est un mental menteur. Un ajusteur psychologique, c'est la même affaire que l'ajusteur de pensée. Le canal, l'ajusteur psychologique, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il colore les choses. Par exemple, tu as besoin égoïquement de constater que Dieu t'aime, puis si on te dit à un moment donné, Dieu n'aime pas tous les humains, mais l'ajusteur psychologique, pour préserver ton ego, va dire, non, effectivement, Dieu aime seulement les humains comme moi. Tu meurs pas, là, l'ego est correct. Parce que Dieu n'aime pas les hommes. C'est un ajusteur psychologique qui dit, non, effectivement, mais moi, je ne suis pas un vrai homme. Bon, c'est ça l'aide. Quand l'ajusteur psychologique est désassujetti du canal réincarnationnel, il est maintenant totalement libéré des phénomènes astrales, donc il ne vient pas ajuster uniquement pour plaire à l'ego, et c'est là qu'il est, on est appelable ajusteur de pensée. Là, il va ajuster la pensée en fonction du mental. Alors, est-ce que vous avez peur? Par exemple, là, mieux que ça, est-ce que vous avez peur? La personne va vous répondre oui, mais en réalité, elle n'a pas peur. C'est quelque chose d'autre, c'est pas la peur. Alors, bon, je dis non, pas ça qu'elle veut dire. Mais c'est ça qu'elle voulait dire. C'est pour ça que l'ego voulait dire, c'est que le mental voulait dire, l'ajusteur de pensée est venu rectifier. La personne va aussi se répondre différemment dans sa tête. Plus l'ajusteur de pensée va être opérationnel, plus elle aura des bifurcations au niveau de sa pensée. Qu'elle ne pensait pas. Oh, mais Dieu! Il est quand même bon. L'ajusteur de pensée a fait dire quelque chose, baissé en vibration suite au choc, l'ajusteur de pensée se reconnecte, ajusteur psychologique vient ajuster pour la psychologie, mais il est quand même bon. Alors, c'est le rôle de l'ajusteur de pensée, c'est d'ajuster pour que le mental se désassujettisse de la vision émotive de l'humain et de la mémoire pour aller vers quelque chose de neuf. C'est vers le neuf que l'homme va s'en sortir, la femme et l'enfant, pas vers le vieux, pas vers la tradition. Quelles sont les caractéristiques d'un gros ego et est-ce le complexe de supériorité? Est-ce que le complexe de supériorité est inclus? Non. Complexe de supériorité, c'est nécessairement un complexe d'infériorité qui est canalisé différemment. L'individu tellement pas sûr qu'il est ce qu'il est, qui est toujours en train de prouver. Pourquoi? Parce que comme n'importe quel ego, il voit ce qu'il est seulement quand c'est exprimé dans la face de quelqu'un. Alors nécessairement, quand il a ce complexe de supériorité, si tout le monde semble l'idolâtrer, ben là, évidemment, ça confirme chez lui qu'il est idolâtrable. C'est vrai, il est idolâtrable, c'est tout. Un gros ego ne vit pas nécessairement de ce complexe de supériorité. Il peut vivre du complexe d'infériorité marqué, il peut vivre du complexe d'égalité marqué, complexe de la normalisation. Un gros ego, c'est simplement quelqu'un qui a suffisamment de mémoire et d'identification chez lui pour centrifuger, pour centrer vers lui tout ce qui tourne autour de lui. Donc, un gros ego, c'est quelqu'un qui, dans le métro, va sécréter. Mais la personne reste intégralement intelligente comme elle l'est. Sauf que ça s'écrète pourquoi? Parce qu'on est en or, torieux. Fait que la valeur que j'ai, le métro, il devrait se rendre directement là puis laisser tous les imbéciles équipés. Quand tu me parles d'automobile, tu te mets à chialer, c'est un gros égo. Regarde, casse-moi, je devrais s'organiser pour encaisser mes bougies. C'est moi! C'est un gros égo. Le gros égo, c'est quelqu'un comme ça. Le gros égo, c'est en même temps quelqu'un qui ne peut pas grimper. C'est quelqu'un qui vit de médiocratie. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire confiance à son mental. Un gros ego, c'est nécessairement quelqu'un qui ne peut pas, n'a pas la capacité. Quelqu'un qui a un gros ego, c'est quelqu'un qui n'a pas la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Médiocre, négatif ou positif. C'est-à-dire que ceux qui sont négatifs ont un gros ego. Ceux qui sont positifs ont un gros ego aussi. Et un gros ego chez quelqu'un qui se conscientise, c'est un ego qui est toujours en train d'essayer de dynamiser le mental pour que le mental se court-circuite. C'est pourquoi je ne serais pas important? Oui, mais pourquoi je serais important? Bon. Alors l'individu qui est toujours en confrontation avec lui-même, il a un gros ego. Mais le gros ego est un gage de réalisation d'un double éthérique. Un petit ego n'arrivera pas à faire un double éthérique parce que le petit ego n'est pas capable de souffrir suffisamment, de se désillusionner suffisamment pour engendrer un mental. Est-ce que le gros ego cache quelque chose de plus puissant? Non, le gros ego permet d'engendrer un mental, plus l'ego devient puissant, plus le mental sera puissant, plus le mental sera puissant, plus l'intelligence mentale sera tirée. Quand l'intelligence mentale sera tirée par le biais de l'ajusteur de pensée, ça va créer une égoïsation, donc la fonte de l'ego, et il y aura suffisamment d'énergie pour créer un double éthérique, qui va faire en sorte que la personne ne pourra pas gagner le monde de la mort à la mort de son corps physique, donc ce qui rend la conscience de l'individu totalement immortel. C'est rapide comme ça, là, c'est le résumé de 3-4 conférences que j'ai déjà fait, à un moment donné, ça. Mais, voilà. Alors, il y a différents phénomènes de grosseur d'ego. Le rire est une émotion qui tue. C'est ce que tu as dit tantôt. Comment expliquer qu'il y a tant de monde qui guérissent à travers la thérapie du rire? Est-ce que ça guérit réellement et en même temps, ça fait vieillir? Explique plus. Bon, je n'ai pas dit que le rire est une émotion qui tue. Le rire émotif tue, pas de problème. Le rire sentimentique. Le rire instantané. Il y a Raymond Maudit qui a fait à un moment donné, qui était malade, il a loué plein de cassettes de films drôles, puis il a ri, puis il s'est guéri. Guérir par le rire, c'est un phénomène réel. Mais en réalité, c'est s'entretenir par le rire, comme par le plat. Comme simplement par le sourire, comme par la joie. La joie, c'est pas quelque chose qui se communique. Ah, je suis joyeux. La joie, ça rayonne. C'est de l'énergie. Le rire aussi. Le rire sentimentique, c'est lorsqu'on regarde par exemple un film, mais on ne se contrôle pas au niveau du rire. On ne se stimule pas non plus. Le meilleur rire énergétique va être un rire où on sera 2-3 personnes. Il y a toujours un là-dedans là, qui rit plus facilement, là, qui la face est plate, lui, elle la trouve drôle. Parce qu'elle la trouve drôle, ben là, on rit un peu. Puis là, ça part là, puis on rit ensemble. Ça, c'est le meilleur rire? C'est pas un rire émotif. Puis évidemment, il y a un rire où tu es tout seul chez toi. C'est toi qui es la personne qui rit à rien. Le rire est convenable aussi, pas de problème. Bon, pas besoin d'aller chercher plus pire que toi. Mais le rire qui n'est pas émotif, donc le rire qui n'est pas un rire stressé, un rire de défense, un rire de protection, un rire de projection, ce rire-là, il est simplement, comme j'expliquais pendant la deuxième partie, il fait partie du processus même d'énergie. Tout à l'heure, je dis, je rentre chez toi, tu es en train de pleurer, moi, je partirai à rire, je partirai pas, je me mettrai à rire, en tout cas, mais ça serait la même communication énergétique. Donc, au niveau du rire, après, il n'y a aucun problème. Là, le rire, ça peut guérir, à la condition, évidemment, c'est-à-dire que ça guérit uniquement parce que ça vient brimer chez vous les mécaniques qui vous rendent malade et qui vous détruisent. Puis le corps se replace automatiquement. Dans d'autres, tu dis le rire instantané. Y a-t-il d'autres sortes de rires que des rires instantanés? Oui, des rires préparés. Comment tu sais d'avance ce que tu vas avoir, que tu vas rire plus tard? Oui, les personnes qui... les meilleurs rires sont les rires instantanés. Tu t'amènes une farce instantanée qui est géniale. C'est pas dans le genre... tu sais, les meilleurs humoristes, les plus intéressants, du moins, c'est ceux qui sont capables de te faire cheminer. De temps en temps, ils vont même improviser des choses là-dedans. On chemine un peu dans quelque chose que tu ne peux pas connaître. Mais tu as d'autres humoristes qu'eux autres, c'était bon, ben, c'était un gars qui rentre à la taverne. Puis là, il fallait te compter des farces comme ça. Ces farces-là n'ont jamais, jamais, jamais la même saveur. Tu te prépares, tu fais comme le chien de Pavlov. Là, c'est l'humain de Kemp. Programme à rire, puis tu ris, parce que c'est supposé être drôle. C'est quand même une farce cochonne à vous compter. Bon, c'est un gars à poil, là ça rit tout, là, tu sais, c'est bon, ça c'est genre le rire émotif, c'est absolument animal, c'est absolument imbécile. Celui-là, il rend malade. Le rire qui guérit, c'est comment apprendre à rire? Pour guérir? Ça prend pas, ça doit être instantané. Tu dois cesser de... Quand on a une thérapie, là, dans ce qu'on dit là, une thérapie de rire pour guérir. Premièrement, on peut agresser le corps physique d'une certaine façon, ça dépend des individus, ça dépend des âges qu'ils ont, en les chatouillant, ça va aider. Sauf qu'à un moment donné, ce qui arrive, c'est que parce que la personne rit, le corps physique s'épuise. Ça ne rend pas malade, mais il faut que tu laisses à un moment donné ses muscles pulmonaires décontractés, parce que là, tu risques d'avoir un phénomène tétanique dangereux. Il y a des films, il y a des choses dans le genre. La présence de quelqu'un qui fait rire, qui amène le point vibratoire où il se met à rire. un stimulant. Ma femme, elle sera jamais malade. Tous les soirs, je me déshabille à part aller. T'es en pleine forme? Ah, ben, je sais, elle va me parler souvent. Okay. Je dois être un thérapeute. Non, mais t'es un outil, en tout cas. Ah, ben, je vais le louer. Il y en a qui sont malades. Si vous voulez rire, je vais vous louer Charles une soirée ou deux. Pour guérir. Je trouve pas ça drôle, moi, je trouve. C'est complexe. Oui, c'est ça, c'est un complexe, plus au complexe. C'est un complexe. L'être humain qui vit dans la thérapie, l'être humain qui... L'être humain sur la... C'est quoi de dire? L'être humain se sert de la vie uniquement pour se rendre malade. Bon. Quand je dis souvent aux personnes, dans l'évolution, à un moment donné, vous allez même découvrir, vous êtes capable de rire de vous. Mais tu commences à me guérir. Les larmes, c'est la même chose. Quand tu pleures de te voir aussi, c'est la même chose. Plus souvent qu'autrement, si tu pleures de te découvrir, c'est extrêmement salutaire, c'est énergifiant. C'est des parties d'antium que tu rejettes. Si tu broyes à la vision, tu as toi, tu t'es égoïste, c'est de l'émotivisation, tu bâtis un antium. Parce que si tu broyes, tu chiales. Tu chiales, tu te plains, tu te déprimes. Tu pleures, tu t'énergises, mais l'être humain, archétypalement, se prend toujours son pleur, et après ça, souvent, il essaie de l'amener en voyage ou de l'inhiber, de cesser de pleurer. Bon, une question qui se pose absolument pas, mais que je vais poser, parce que on peut négatiper en masse. Ça t'arrive souvent de pleurer? Assez. Bon. Mais pas longtemps. C'est comme quelques secondes. Pas comme... Puis normalement, mâle qui se tient debout ne devrait pas pouvoir dire en public que ça lui arrive de pleurer. Il était sous. Je ne tiens pas debout, effectivement, je t'assure. Ouais. Pourquoi? Parce qu'archétypalement, les imbéciles d'hommes doivent tout faire pour éliminer les possibilités qu'ils ont d'avancer vers une perception esthétique pas féminine, mais polarité féminine. La femme, elle aura aussi d'autres formes d'inhibition qui vont faire en sorte qu'elle ne pourra pas se rapprocher d'une vision d'efficacité, pas masculine, mais à caractéristique masculine. L'être humain est totalement, et bien souvent inhibé, c'est convenable, son inhibition, ça lui permet d'éclater à des niveaux plus élevés d'énergie, pour par la suite, hélas, devoir se désinhiber, mais pas se libérer. Lorsque l'être humain parle d'émotion, il a justement cette problématique-là, c'est que l'émotion va devenir, quand l'émotion le nuit régulièrement, c'est que l'émotion doit absolument cesser d'être le facteur qui dirige nos vies. L'émotion doit cesser d'être le facteur dominant dans tout ce que l'on entreprend. On ne doit plus acheter une lampe parce qu'on l'aime. On doit l'acheter pour sa beauté. Je ne sais pas si tu peux percevoir la nuance, mais il y a une maudite nuance. Son esthétisme? Oui. On ne peut pas acheter une maison parce qu'on l'aime, on ne peut pas acheter une automobile parce qu'on l'aime, on c'est doit... C'est comme ça qu'on fonctionne. En tout cas, qu'elle aime. On les achète parce qu'on les aime. Puis on tombe en amour avec quelqu'un. Bon, moi, je peux par exemple regarder des personnes ici, hommes ou femmes, et te dire lesquelles je trouve beaux. Je ne parle pas de la longueur de leur nez. Ou encore de la valeur de leur boucle d'oreille. Non. Ces personnes sont belles. Mais je ne peux pas tomber en amour avec ces personnes. Je ne peux pas vouloir parler à ces personnes à cause de leur beauté. Je ne peux pas détruire leur beauté uniquement pour pouvoir m'abreuver émotivement. C'est souvent ce qui va arriver. Il y a une nuance extrêmement importante à faire entre ces deux mécaniques. L'homme, la femme, l'enfant est totalement assujetti à vivre toute sa vie en fonction de ce que ça va créer émotivement chez lui. Lorsqu'il écoute une musique, ça doit créer quelque chose dans le corps physique, plutôt que de le faire voler énergétiquement. Quand on regardait souvent les femmes, et je connais de temps en temps, je rencontre des femmes qui sont d'une pureté anormale. supérieure. Et ces femmes me disent souvent, oui, mais moi, j'ai peur d'être naïve. Je suis candide. Ce sont ces genres de femmes qui pourraient lire certains romans, puis vibrer au roman. Mais ce n'est pas de l'émotion. Mais parce qu'il n'y a pas les mots dans leur vocabulaire pour comprendre les choses, elles vont dire, oui, ce sont des romans d'amour, par exemple, ou encore ce sont des romans, bon, j'aime ces romans. Et elles vont penser que c'est de l'émotion. Ce n'est pas de l'émotion, c'est un sentiment. Ces femmes, lorsqu'elles viennent se confronter à la vie, elles ont toujours peur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elles trouvent un homme beau, puis si elles s'en approchent, lui peut les trouver belles, puis là, tu ne sais plus pas en tout, c'est comment belles ils te trouvent. Est-ce qu'ils trouvent tes yeux? Et c'est pas grave, on peut trouver les yeux d'une femme ou d'un homme, on peut les trouver beaux. Mais de deux façons. Je peux trouver tes mains belles, mais de deux façons. Je peux trouver tes pieds beaux, mais de deux façons. Et c'est le problème. C'est que l'humain n'est pas capable de parvenir à trouver, à nuancer, à séparer, à faire la scission entre la vision sentimentique de la vision émotive archétypale qui va lui dire automatiquement, t'en trouves belle, ben crouse-la. C'est évident. Puis, de toute façon, on va revenir là-dessus les deux prochaines semaines, mais il y a une importance majeure, c'est qu'on doit s'arranger pour ne plus acheter une automobile uniquement parce qu'on la trouve belle. On tombe en amour avec. Il y a deux formes de beauté. Une qu'on détruit par l'émotion. On parle du bonheur. Le bonheur est totalement camouflé par l'émotivité, le réel bonheur. Un bonheur, ça ne se parle pas. Tu sais, je demande à quelqu'un, es-tu heureux? Je m'en pose une bonne là, je me suis jamais arrêté à penser à ça. Ah, cette personne-là est sans doute heureuse. Celui qui sait qu'il est heureux, c'est parce qu'il sait qu'il était malheureux la veille. Non, c'est pas celui qui sait qu'il est heureux, il n'est pas heureux là. Du moins, le temps qu'il sait, il n'est pas heureux. C'est pas nécessairement que tu es malheureux la veille, il peut être heureux la veille, sauf que présentement, il n'est plus. C'est, es-tu vivant? T'es un peu, je vais fouiller mes mémoires là. Ah oui, je suis vivant. Je pense, donc j'étais. Es-tu spontané? Ah oui! Mais tu ne l'es plus! Tu es allé fouiller pour voir si tu l'étais, tu ne l'es pas. C'est la même chose au niveau du bonheur. L'émotion, l'être humain qui veut se gaver d'émotions pour atteindre le bonheur, va chercher les émotions positives qu'il va appeler, et il devra tout perdre sa vie à faire en sorte de les entretenir, ces maudites émotions positives-là. Le bonheur ne dépend pas de la qualité ou de la quantité de tes émotions. Parce que tu travailles pour l'avoir quand tu l'as, mais c'est éphémère. Tu peux le perdre. Alors on va dire, oui, mais une relation de couple, ça s'entretient. C'est drôle, c'est bizarre, parce que moi je travaille avec des enfants, mes enfants, ma femme ou les enfants de d'autres personnes, des amis. Jamais je n'entretiens les relations, jamais. Je vis les relations quand je peux vivre une relation, donc quand ils sont là, je profite des relations comme eux profitent des relations, mais je n'entretiens pas les relations. Puis les individus avec lesquels je peux vivre suffisamment en synergie de communication sont des individus qui eux aussi n'essaient pas d'entretenir les relations. Parce que automatiquement, on altère les relations. On va stéréotyper les relations. On va normaliser les relations. On ne pourra plus vivre de relations. Alors, à un moment donné, il y a des choses qu'instantanément j'aurais dites que je ne peux plus dire. Puis l'autre aussi. Entretenir une relation, c'est fonctionner avec la mémoire de la relation précédente. Oui, c'est d'espérer que chaque fois qu'on va se rencontrer, ça va être au moins aussi bon. Donc, c'est s'interdire que de temps en temps, ça puisse être meilleur. Oui, mais c'est une garantie qu'au moins ce ne sera pas pire. Mais pourquoi pire si de toute façon tu ne pars pas avec l'idée d'entretien d'une relation? De temps en temps, je rencontre des personnes et on appelle si on se parle. D'autres, à un moment donné, il y a une sphère d'énergie totale qui nous entoure. Non, mais c'est comme ça. Et je ne veux pas entretenir. Si je voudrais entretenir, je ne pourrais même pas recréer le phénomène de la sphère. Je t'écoute plus. Je t'écoute plus, je cherche le titre de la conférence de la semaine prochaine. La semaine prochaine, canalisons l'émotion en énergie constructive. Vendredi le 9 mars. Il y en a une autre le 16. Puis pour ceux qui seront pas là pour quelques semaines, sachez que le 23 et 30 mars, M. Kem sera en vacances dans le sud, donc il n'y aura pas de conférence. bonne fin de semaine. À la semaine prochaine. Thank you.